بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم اكتفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. Le chapitre concernant le fait de prendre le refuge auprès d'Allah عز وجل après avoir fait دعاء الاستفتاح. Et il a évoqué pour cela, رحمه الله تعالى وحفظه, le fait de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. On a pu voir que ceci est tout à fait légal et que le Coran, كتاب الله سبحانه وتعالى, il est dans ces termes-là. قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فان دومان الاستعاذة بالله عز وجل ها هنا parce que on va commencer la lecture de الفاتحه. Il est ordonné de lire الاستعاذة, de dire الاستعاذة avant la fatiha. La deuxième formule pour الاستعاذة, le fait de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه قال العلماء من وساوسه من جنونه من نفخه أي من الكبر ومن نفثه أي من الشعر الباطل وكذلك نعم الغناء أوتخ يعني parmi la musique. أما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. On a pu voir que cette زيادة là, السميع العليم في الاستعاذة n'est pas ثابتة. Donc on se doit de se contenter de dire ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit et ce que le Coran l'a légiféré. On a pu voir que l'istihada, c'est une chose qui est obligatoire. Al-Sahih, tamam. Et lorsqu'on veut prendre, ou plutôt les prendre comme argument dans une khutbah, dans une mu'idha, dans une conférence, dans une nasiha, dès lors, il n'est pas ordonné de lire l'istihada. Lakin, il cite directement le verset. Amma, lorsqu'on veut lire le kitab d'Allah Azza wa Jal, بتلاوة التجويد فلا يفكم خان الاستعاذة فكم فاس الاستعاذة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Et c'est important car Shaitan il est un doux, il va faire tout pour nous divertir dans la prière. Donc on prend le refuge auprès d'Allah عز وجل afin de profiter au maximum des bienfaits qu'il y a dans le Fatiha. Et parmi cela la dua اهدنا الصراط المستقيم. Donc il faut prendre le refuge auprès d'Allah afin de dire cette dua avec un cœur qui est présent et qui n'est pas distrait par les choses de la vie d'ici-bas. Parmi les masailles que j'ai oublié d'évoquer concernant l'istiaza, هل تكرر في كل ركعة, est-ce qu'on doit la répéter pour chacune des rak'a? Al-Sahih, c'est qu'il faut la répéter parce que l'istiaza a été légiférée pour la lecture de Al-Fatiha. Et comme le Fatiha on la lit dans chaque unité de prière, donc dans ces cas-là il faut qu'on répète aussi al-istihadha. Al-sahih, c'est qu'elle doit être répétée dans chaque unité de prière. Ça, c'est le qol qui est sahih, khilafun bayna al-ulama. Lakin, l'avis qui paraît le plus juste, c'est que al-istihadha doit être répétée à chaque fois qu'on entame une nouvelle unité de prière. Parce qu'on va lire al-fatiha, de nouveau. Donc, il faut prendre al-istihadha billah, min al-shaytan al-raji. On avait pu voir aussi qu'adhalika min al-athkar, qu'on doit dire ba'da, l'istihada, c'est le fait de dire bismillah, comme on a pu voir bismillah. Alors, sahih, c'est qu'elle ne fait pas partie d'al-fatiha, donc, ça doit être inclus dans les ad'iya, dans les afkar qu'on doit dire avant de lire al-fatiha. On a pu voir qu'il est mustahab de la dire à voix basse, et dans les prières qui sont faites à voix haute, il est mustahab de la dire à voix basse. Tamqa rahimahallahu ta'ala afkar al-ruku'. حنا انتقل الى اذكار الركوع. Et avant d'aller au ركوع معروف تام الذكر qui est légiféré pour cela après la lecture de الفاتحة ما تيسر من القرآن, c'est qu'il doit dire الله أكبر. كذلك ça fait partie d'اذكار et c'est واجب. Ça s'appelle تكبير tout l'intiqal. Le تكبير qu'on fait lorsqu'on veut se déplacer d'un pilier à un autre. Ça aussi ça fait partie d'اذكار après la lecture de الفاتحة et ما تيسر من كتاب الله عز وجل بعد ذلك يكبر. ثم ينتقل الى الركوع. Et ensuite il vient, il ramène les afkar qui sont légiférés pour cela, celles que va nous citer, car c'était Cheikh حفظه الله تعالى. اولا قبل, avant de rentrer dans les afkar, Il faut savoir que dans le ruku' et kazalika dans le sujoud, la yushrah fihi tilawatu kitab Allah azza wa jal. Il n'est pas légiféré dans le ruku' ni kazalika dans le sujoud de lire le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont deux endroits où la lecture du Coran n'est pas légiférée dans la prière. La lecture du Coran est légiférée lorsqu'il est debout après avoir fait takbirat al-ihram al-istihada billah min ash-shaytan rajim thumma al-basmala ha huna ilila kitab d'Allah ya azza wa jal. أما في الركوع والسجود بالذات سينتهدي للحديث الذي ثبت في ذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. Il a dit, n'est-ce pas que on m'a interdit de lire le Coran, on m'a interdit de lire le Coran lorsque je suis en sujoud ou bien en ركوع. Ça c'est l'interdiction, ça demande que c'est haram, لا يجوز. Celui qui fait cela, il prend un péché. لأن الأصل في النهي التحريم. La base dans les interdictions, c'est que celui qui le commet aura commis un péché. ثم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. Quant au ركوع, glorifiez Allah Azza wa Jalla, et dans les sujouds, اجتهدوا في الدعاء. Faites beaucoup de dua, faites des efforts à invoquer Allah Azza wa Jalla et l'implorer, car c'est un moment où il est plus juste que vous soyez exaucé. Ma'ruf. Aqrabu ma yakun al-'abd min rabbihi huwa sajid. L'endroit où le 'abd il est le plus près d'Allah Azza wa Jalla, c'est lorsqu'il est en prostration. Fas-sujud wa ruku' la yajuz fihi an yutla min kitab Allah Azza wa Jalla. On n'a pas le droit de lire le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a du ta'zim, il y a des ayats dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est glorifié. Et qu'avec il y a des ayats dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés pour qu'on fasse des du'a. Comme مثلاً, قل subhanahu wa ta'ala, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك قل subhanahu wa ta'ala, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Et autres parmi les adhiyas qui sont dans le kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'Allah azza wa jal, kitabuhu, le kitab d'Allah, c'est le meilleur des kitabs. Donc les ad'iyas qui sont présentes dans le kitab d'Allah, ce sont les meilleurs des ad'iyas. Al-an mas'ala, est-ce que on a le droit de prendre les ayats dans lesquels Allah azza wa jal, il s'est glorifié, ou bien les ayats dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala évoquait des du'as, est-ce qu'il est légiféré de les utiliser dans le ruku' et dans le sujoud? Tout en sachant que le hadith précédemment cité, que le prophète il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on m'a interdit de lire le Coran en ruku' et en sujoud. Les ulama ikhtalafu fi dhalika. Ils ont dit, ce qui est interdit, c'est le fait de quoi? De lire un verset. Et dans l'intention de lire le verset. Ah, mais celui qui prend une ayah, fi kitabillahi azza wa jal, fi had du'a, mathalan, rabbana, la tuzigh qulubana. Il a envie de faire cette du'a là en étant en sujoud. Est-ce que c'est interdit? Parce que ça fait partie du kitab d'Allah. Les ulama ils disent, lorsque cette personne-là dit, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, il a pas l'intention de lire le kitab d'Allah. Là il évoque ce verset là dans le but de faire du'a, dans le but de faire du'a. Car si jamais il aurait l'intention de lire ce verset là il devrait dire al-isti'adha billah azza wa jalla min ash-shaytan ar-rajim fa idha qara'ta al-quran fasta'idh billah min ash-shaytan ar-rajim. Fa si jamais son intention était de lire le kitab d'Allah azza wa jalla en sujoud, il aurait dit, il a repris le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan al-rajim. Donc ça nous montre que c'est légiféré, al-sahih. Celui qui prend les du'as qui sont dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les évoque en sujoud, hadha inshallah la shayafi. Il n'y a pas d'interdit par rapport à cela. L'interdiction est vis-à-vis de la lecture et non pas vis-à-vis le fait de prendre une ayah, yani pour implorer Allah Azza wa Jal ou bien pour le glorifier. Et certains ils disent, au pire des cas, pour vraiment sortir du khilaf, eh bien, ils modifient certains termes dans les ayahs. مثلاً, Rabbana, atina fi dunya hasana. Fa il dit, Rabbi, atina fi dunya hasana. Il met tout au comment s'appelle, yani avec damir al-mutakallim. Rabbi. Certains ils disent, là, parce qu'ils modifient certains dhamair, certains des pronoms, afin que ça ne soit pas une ayah min kitab Allah Azza wa Jalla, mais que ce soit une dua qui ressemble à celle qui est dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est un qawl qui est jayid. Ça c'est pour sortir du khilaf. Et ça c'est min khiyar ad-din, ça fait partie du meilleur dans la religion, le fait de prendre le wara. Al-wara, comme il y a dans les al-athar, ma ubid Allah bi shay'in mithl al-wara. Allah Azza wa Jalla n'a pas été adoré par une chose semblable à al-wara, le fait de faire attention, le fait de éviter de dire des choses ou bien les faire par crainte que ce soit une chose qui soit nuisible pour toi, fi dunya ou bien fi al-akhirah. C'est ça le wara. Il évite les polémiques, il évite les sujets de lesquels il y a des divergences. Enfin, il prend la position dans laquelle il n'y a pas de divergence. C'est clair que si jamais il modifie, comme certains de Dhamma'ir, dans les ayats, et il veut les évoquer dans ses sujouds ou bien dans al-ruku', ben il est sorti du khilaf. Là, lui, il n'a pas de problème. Lakin as-sahih. As-sahih, ce qui est interdit, c'est de lire le kitab d'Allah. C'est-à-dire avoir l'intention de lire, donc prendre le refuge auprès d'Allah et Azza wa Jalla comme il nous l'a ordonné. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Enfin, celui-là, il n'a pas le droit de faire cela ni dans le ruku' ni dans le sujoud. Et qu'à dans cas, à travers ce hadith rapporté par Muslim, on voit que الأصل في الركوع c'est le ta'zim. Le ruku' c'est un endroit où il est légiféré, fortement légiféré, et la base dans cela c'est de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de l'immensifier. On va voir à travers les askar fi dhalika et les ad'iya, il y a peu de dua. La plupart c'est quoi? C'est que du ta'zim. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a glorifié Allah azza wa jalla dans cette posture là. Fait le premier hadith qu'il a évoqué, hafizahullah ta'ala, c'est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, sirr rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était celui dont le prophète alayhi salatu wasalam lui a fait part de certains des secrets, et parmi ceux-là les noms des munafiqs qui étaient à al-Madina. C'est pour ça que parmi son surnom, sirr rasulillah. Fa il a évoqué هنا le fait de dire subhana rabbi al-azim. Subhana rabbi al-azim. Subhana, on peut voir, c'est une kalima qui est utilisée afin de démentir les choses qui ont été imputées injustement à Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas des Yahoud, ils ont dit Yadullah mahloula, qu'Allah Azza wa Jal il est avare, ma'adallah min dharik, subhanallah. Kazalika al-Nasara, ils ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lahu sahiba, qui a une compagne, wa qu'Allah Azza wa Jal lahu walad, qu'Allah Azza wa Jal a un enfant. Fait tout cela, yani, qalb al-mu'min, il doit réagir à ce genre de paroles qui sont immondes, et lorsqu'il entend cela, il dit subhanah. T'as une purification, yani, vis-à-vis de ces paroles qui ont été dites sur Allah et Azza wa Jal. Ça va rien. Et ces paroles-là ne vont pas purifier Allah et Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Lakin, ça nous montre que nos cœurs réagissent par amour pour Allah et Azza wa Jal. Et lorsqu'on entend une parole qui n'est pas correcte, qui a été prononcée sur Allah et Azza wa Jal, injustement, fait le qalb al-mu'min yahya. Il est là, il est présent, il est vivant, il est pas rafil, il est pas insouciant. Et directement, il se met à prononcer le tasbih, subhana. Il se désavoue de ce qu'il entend, et il tahir, yani qalbu, bima samira, il purifie son cœur de cette immonde parole qui a été prononcée. C'est ça le tasbih. Et comme on a pu voir, le tasbih, il faut que, kathalika, on retrouve à l'intérieur un isbat al-sifat. Parce que le tasbih, c'est un nafi, c'est une négation. Et Allah Azza wa Jal, la perfection dans le athana, dans l'éloge, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est pas la négation totale, la négation avec une affirmation. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit le al-zulm, l'injustice. Comme a fait le hadith, inni harramtu zulma ala nafsi. Qu'Allah Azza wa Jal, il est musabbih et munazzah. Allah Azza wa Jal est purifié de ce péché-là qui est l'injustice. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est adl. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Donc ne commet pas l'injustice parce qu'il est juste. Donc une négation, la qu'il avec une affirmation. Ah, mais la négation qui est seule, comme on a pu voir, ça pas de, ça, c'est pas un synonyme de perfection et de compliment et de louange. Mathalan, on va dire cette personne-là ne fait pas de zoom parce que il a pas la possibilité. Donc, yani, en fait, le fait qu'on dise cette personne-là ne fait pas de zoom, c'est pas une louange. Parce que cette personne-là, au fait, il n'a même pas la capacité, c'est quelqu'un qui est faible, de faire du zulm. Ah, mais celui qui a la capacité de faire du zulm, l'akim qui se retient, par justice, ça c'est un louange. Ah, mais celui qui ne le fait pas, Tam, parce que aslan wa faslan, il est impotent, il ne peut pas le faire. Ça, c'est pas le louange. C'est pas le louange sur cette personne-là. C'est pour ça que certains ont dit, si jamais tu te présentes devant les rois et tu dis à ce roi-là, vous êtes pas petit, vous êtes pas gros, vous êtes pas méchant, vous êtes pas un balayeur, vous êtes pas un menteur, vous êtes pas ceci et cela, et tu continues avec ces négations-là, personne va, ce roi-là va pas trouver qu'il est en train de lui faire des compliments, au contraire. Il va comprendre qu'il est en train de l'insulter. Donc tout cela, c'est que des négations des sifat qui sont imparfaites, hein, et dont personne, yani, ne souhaite, yani, y être attribué. Donc là, on fait une négation, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, lakin, à la fin, il va dire, je suis quoi, tu vois? Je suis le néant, tam. Ils disent, les ulama, le néant, c'est pas une louange. Donc, lorsqu'on fait le tesbih, il doit être accompagné d'un isbat. Allah Azza wa Jal, nafa an nafsihi nisyan. Il s'est interdit, subhanahu wa ta'ala, l'oubli, parce que il est moussouf bitamam l'ilm. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient. Allah Azza wa Jal nafa an nafsihi l'urub, c'est la fatigue. Pourquoi? Li tamam quwwatihi subhanahu wa ta'ala. Wa quyumatihi, c'est lui qui s'occupe de l'univers entier, Jalla wa ala. Tam nafa an nafsihi as-sina, c'est-à-dire muqaddimat an-nawm. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est moussouf bi sifat al-haya, at-tam. La vie qui est la plus parfaite. Fa, hakaza. Un tasbih, un nafi avec un ithbat. Naham. Fa, il a évoqué ce hadith-là. Subhana rabbi al-azim. Et les ulama, ils ont évoqué que le ta'zim fi le ruku', parce que dans le hadith, il est dit, fa'amma al-ruku' fa'azzimu. C'est un impératif. Dans le ruku', il faut faire le ta'zim. Et les ulama, ils ont dit, ça, c'est un impératif. Donc, tout impératif, la base de cela, c'est que c'est une obligation. Et celui qui ne se décharge pas, il aura commis un péché. Fait, ils ont dit, al-ta'zimu fi ruku', il est wajib. Toute personne qui est en ruku', il doit faire un ta'zim lillahi azza wa jal. Si jamais il ne fait que des du'as, il est athim. Il aura délaissé si jamais le fait, tout en sachant que voilà, il faut qu'il fasse du tardi, mais il le délaisse volontairement. Cette personne-là, il est athim. Mais certains même y voient que celui qui délaisse une obligation dans la prière, volontairement et sciemment, eh ben, la prière de cette personne-là, elle est batila. Celui qui délaisse une chose parmi les obligations et qui le délaisse volontairement, qui le fait volontairement, qui le délaisse volontairement, certains y voient, comme Cheikh Al-Azami et d'autres, parmi les ulama, que sa prière, elle est batila. Fait, celui qui ne fait pas du ta'azim dans son ruku', il est batil. Son ruku', il est batil. Donc sa raka'a, il est batil. Il faut qu'il revienne au ruku' et qu'il fasse du ta'azim. Fa'amma ruku' fa'azimu fihi al-rab. Labbuda min al-ta'azim. Labbuda qu'il fasse du ta'azim. Et ils disent, aqallu ta'azim, c'est qu'il lève comme une fois, subhana rabbi al-azim. Aqallu shay. Ça, c'est le plus court de ce qui a été évoqué dans le ta'azim que faisait le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lillahi azza wa jal. Subhana rabbi al-azim. S'il l'a dit une fois, à partir de ce moment-là, il aura كذلك يعني حصل فيه طمأنينة كما في الحديث تام قال ثم ركع حتى تطمئن راكعا. Et ensuite, يعني mets-toi en ركوع jusqu'à ce que tu sois apaisé en ركوع. Ils disent les ulama, c'est quoi أقل طمأنينة? À partir de quel moment on sait que cette personne-là, il a fait le ركوع avec aisance? Il dit, il faut qu'il ramène au moins une fois le dhikr سبحان ربي العظيم. Et que ses os se sont bien placés, il a dit Subhana Rabbi al-Azim, khalas. Il s'est déchargé de l'obligation. Et ce qu'il va rajouter, ce sera quoi? Mustahab. Donc après Subhana Rabbi al-Azim, ça suffit, il peut se lever. On ne dira pas qu'il a fait un ruku' qui est rapide. Il s'est baissé, Subhana Rabbi al-Azim, fa'ana, son ruku' il est accepté. Ama si jamais je me suis baissé, et je dis, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, je suis en ruku', hein. Rabbi khfirli, je me lève, Samia Allahu liman hamida. Tu l'as même pas fait, où t'as fait le hamd? Samia Allahu liman hamida. T'as même pas fait le hamd. Qu'Allah Azza wa Jal écoute celui qui l'a loué. T'as même pas fait le hamd, t'as fait que des du'a. Rabbi khfirli. Pardonne-moi Allah. Ça c'est pas du ta'a, ça c'est pas du sana, c'est pas du ta'zim, c'est pas du hamd. Donc le ruku' de cette personne-là, il est quoi? Il est batil. Al-Sahih, il est batil, parce qu'il a délaissé une chose qui est obligatoire, ça c'est si jamais il est au courant. Tamam, si jamais il l'ignorait, Rabbana la tu akhizna innasiyana wakhtana. Ça c'est ma'rouf. Donc il faut qu'il fasse au moins, aqallu shay, subhana rabbi al-azim. S'il a fait une fois, il s'est déchargé de l'obligation, et s'il rajoute, eh ben c'est que du ajr en plus. Et ce hadith-là, il est évoqué par l'imam muslim, rahimahallahu ta'ala, c'est un hadith qui est long. Dans lequel Hudhayfa ibn Yaman رضي الله عنه il a prié avec le prophète عليه الصلاة والسلام. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة pendant une nuit. Donc sa maman c'était une frère de nuit. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فافتتح البقرة. Il a lu directement dans la première rak'a al-Baqara. قال فقلت يركع عند المية. Je me suis dit il va pas le lire dans une rak'a al-Baqara, lakin lorsqu'il va arriver au centième verset, il va faire ruku'. قال ثم مضى. Il a dépassé le centième verset. قال يصلي بها في الركعة. Je me suis dit bon, peut-être qu'il va prier al-Baqara dans une unité de prière, dans une rak'a. قال فمضى. Il a dépassé al-Baqara. قال فقلت يركع بها. قال ثم افتتح النساء. Lorsqu'il a fini sourate al-Baqara, il s'est dit bon là, il va faire le ruku'. قال ثم افتتح النساء. Il a lu sourate al-Nisa. Ça se demande que le lire dans l'ordre, c'est pas une obligation. Parce qu'il a lu le Baqara, ensuite le Nisa. Entre le Baqara et le Nisa, il y a Ali Imran. Qala faqara'aha. Ensuite, kadhalika, donc toujours dans la première unité de prière, il a lu, après le Baqara, soit le Nisa. Qala faqara'aha. Thumma ftataha Ali Imran. Et ensuite, il a lu sourate Ali Imran. Est-ce qu'il a lu rapidement? Là. Qala faqara'aha yaqara'u mutarassilan. Et il les a lu doucement. Mutarassilan, c'est-à-dire doucement. قال وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح. Et lorsqu'il passait sur une ayah dans laquelle il y avait un تسبيح et une glorification, fait glorifier Allah عز وجل. وإذا مر بسؤال سأل. Et lorsqu'il passait dans un passage dans lequel il incitait à dua, fait il faisait dua. Ça c'est une chose qui est légiférée pour les prières de nuit. Lorsqu'on lit un verset dans lequel il y a un ta'zim, il y a un تسبيح, il y a une glorification, fait تعظم الله سبحانه وتعالى. Et lorsque tu passes sur un verset dans lequel il t'incite à invoquer Allah Azza wa Jal, fait tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est légiféré dans les prières de quoi? Les prières de nuit et les cadres des prières qui sont surérogatoires. Qala wa idha marra bi ta'awudhin ta'awudh. Et lorsqu'il passait sur une ayah dans laquelle elle incitait à prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, fait il le faisait. Donc ça demande que, en plus de la lecture et en plus de d'avoir lu ces trois sourates qui sont assez longues, de les avoir lus lentement, fa il a aussi ajouté du ta'zim, du ta'awudh et des ad'iya. Qala thumma raka'a, et ensuite il a fait ruku'. Qala fa ja'ala yaqul subhana rabbil 'azim. Et il a dit subhana rabbil 'azim. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Et son ruku' il était équivalent au temps qu'il restait debout à lire al-Baqara, al-Nisa, al-Imran, mutarassilan, d'une lecture qui est assez lente et qui demandait dans chacun passage yani. Donc ça montre aussi le recours, il est resté lentement. قال ثم قال سمع الله لمن حمدا ثم قام طويلا قريبا مما ركع. Et ça c'est une sunna qui n'est pas trop appliquée, c'est-à-dire que on fait le recours et le temps qui est entre l'i'tidal lorsqu'on se lève du recours pour aller en sujoud, et ben c'est un temps qui est beaucoup plus court quand même que le recours. On remarque ça chez les imams, que le temps que l'imam y passe debout après avoir fait le ruku', il est beaucoup plus court que son ruku'. Normalement, il faut qu'il soit mutaqarib. Ça, c'est la sunna. Là, il n'y a pas de mal à ce que son ruku', il soit plus long que la position, l'i'tidal, c'est-à-dire la position après le ruku'. Là, la sunna, c'est qu'il faut qu'il essaye de mettre le même temps d'arrêt dans chaque pilier. قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. Et ensuite, il a fait soujoud, et son soujoud, il était équivalent au moment qu'il restait debout. Et on fait l'adhan. Bismillahirrahmanirrahim. Donc ça, c'est le hadith, yani dans son intégralité. Et le cheikh, hafidhahallahu ta'ala, il a évoqué qu'une infime partie de ce hadith. Subhana rabbi al-azim. Kadhalika, min al-azkar, قال أن يقول في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الحديث rapporté par مسلم رحمه الله تعالى selon علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك من التعظيم في الركوع le fait de dire ce hadith là qui est rapporté par مسلم comme on a pu voir. اللهم أي يا الله اللهم اي يا الله لك ركعت. Et ça nous montre ça appuie dans l'unicité لك ركعت, parce qu'à la base si on ramène ركعت لك, اللهم ركعت لك, ça c'est dans la base, on ramène le verbe, ensuite le fa'il et le jar wal majrour, il vient après, tandis que là le jar wal majrour est لك, le lam et le kaf, ils ont été évoqués avant le fi'l ou le fa'il, raka'atu. Fait le ulama dans le balara, ils évoquent que ceci a un sens, yani, ça appuie un autre sens, qui est al-hasr. Yani, c'est comme si jamais on limitait la, le ruku' pour Allah Azza wa Jal. Et Allahumma laka raka'atu et la arka illa lak. Je ne fais de ruku' que pour toi. Mais si tu dis raka'atu laka, j'ai fait le ruku' pour toi, et ben ça. La yamna'a annahu yarka' li ghayri Allah Azza wa Jal. Ça n'exclut pas qu'il fait le ruku' pour autre qu'Allah. Mais si jamais tu dis Allahumma laka raka'atu, ça exclut que tu fais le ruku' pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme à travers la parole d'Allah Azza wa Jal, Iyaka na'budu. À la base, yani, en dehors du kitab d'Allah, on dit na'buduka. On ramène le mef'ul bihi à la fin, na'buduka. Lakin le fait qu'on fasse passer le mef'ul bihi avant, tam Iyaka na'budu, ça montre al-hasr. Que la ibada, elle est pour Allah Azza wa Jal uniquement. Founa kadalika, Allahumma laka raka'atu, et je ne fais le ruku' uniquement que pour toi, et pas pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Man raka'a li ghayri Allah Azza wa Jal, faqad kafar. Celui qui fait un ruku' pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le kufr billah, jalla wa ala. C'est une chose qui est propre à Allah. Qala bika amantu. Et j'ai foi en toi, kadalika. Tam al-aslu amantu bika. Lakin bika amantu, ça montre que l'iman il est pour Allah Azza wa Jal. Et l'iman billahi Azza wa Jal, arba'atu ashiya comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen, c'est l'iman biwujudihi qu'Allah Azza wa Jal est présent, l'iman bi asma'ihi wa sifatihi, qu'Allah Azza wa Jal détient les noms et les attributs les plus parfaits, et qui est interdit de faire du tamthil, une ressemblance avec tout attribut qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué, et de se nommer par les noms qui sont propres à Allah Azza wa Jal, parce qu'il y a des noms qui sont propres à Allah et des noms que yani c'est mushtarak, c'est associé, comme مثلاً Karim. Ça c'est pas, si une personne qui s'appelle Karim, ça fait pas partie du shirk. Lakin si jamais tu t'appelles Al-Karim, c'est une autre histoire là. Ça on va l'évoquer, ça c'est plus dans l'aqida. Inch'Allah c'est juste minbab. On explique yani vaguement yani. Et naham nusbit ma athbat Allah, ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué, le prophète عليه الصلاة والسلام lui attribue, on l'attribue, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète عليه الصلاة والسلام a rejeté parmi les attributs, et كذلك les attributs et les noms, fait on les rejette. Ça c'est l'iman billah بالنسبة للصفات والأسماء. والإيمان بالربوبية, la foi dans la seigneurité d'Allah عز وجل et dans ses actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est unique dans ses actes. Parmi les actes uniques d'Allah عز وجل, الخلق. كذلك الرزق. فذلك لا يجوز كم بحسن سبل الرزاق parce que c'est une chose qui est propre à Allah عز وجل. وكذلك الخلق, une personne qui s'appelle خالق, c'est un كفر بالله عز وجل, هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فسي الشوز كي سون بروبر الله جل وعلا. وكذلك الايمان بألوهيته, la foi en Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration, de l'adorer uniquement جل وعلا وحده لا شريك له. قال ولك أسلمت. ولك أسلمت, et lorsque l'iman et l'islam ils sont évoqués dans une même jumla, fa'al iman, ça sera propre pour les croyances, et l'islam, ça sera propre aux œuvres, yani, qui sont apparentes. Donc là, ce sera bika amantu, et avec l'i'tiqad qui est sain, vis-à-vis d'Allah et Azza wa Jal, walaka aslamtu, et c'est la soumission. Comme je me suis soumis à toi et Azza wa Jal. Qala khasha'a laka sam'i. Al-khushu'a qala al-ulama, que Cheikh al-Islam, alayhi rahmatullah, il évoque al-khushu'a, pour être évoqué comme khushu'a, il faut que, il comporte plutôt deux choses. Al-Khushu' qala Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala fi majmou' al-Fatawa, le volume 7, la page 28. Qala rahimahullah, qala al-Khushu' yatadamman ma'nayayn. Le Khushu' il comporte deux sens. Qala ahaduhuma at-tawadhu' wadh-dhul. Le premier c'est la modestie et l'humilité. Wath-thani as-sukun wa tama'nina. Et le deuxième, la tranquillité. Tumanina, c'est un peu la même chose. Yani, sukun. Le sukun, c'est d'être tranquille. Et la tumanina, c'est le fait d'être apaisé. Fa, al-khushu', c'est ça. C'est que ces membres-là qui ont été évoqués, al-sam' wal-basar wal-mukh wal-azm, al-sam' ma'rouf, comme lui, al-basar, la vue, mukhri, c'est le cerveau, al-azm, c'est les os, et wa'asabi, c'est les nerfs. Yani, que ces membres-là qui ont été évoqués, soit tout à fait soumis à Allah Azza wa Jal. Mutawadi'an lillahi Azza wa Jal. Elles ne font pas preuve d'orgueil vis-à-vis de cette ni'ma-là qu'Allah Azzawajal nous a donnée à travers ces membres-là. C'est-à-dire qu'ils sont assujettis à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit de tawadu, l'inverse du tawadu, la modestie, et l'humilité, c'est al-takabbur. Et parmi le takabbur, c'est le fait de rejeter la vérité. Comme a dit le hadith al-kibr, qala batara al-haq wa ramtu an-nas. Le Nabi sallam il a qualifié lui-même al-kibr. Il a dit c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser comme l'individu. L'individu qui te fait nasiha. Fa al-khushu', ça demande que ces membres-là ils soient assujettis à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela passe par le fait que le sabab pour que nos membres soient assujettis à Allah azza wa jalla par modestie, humilité et avec toute tranquillité, ça passe par le fait qu'on trouve les asbab pour acquérir la mahabba d'Allah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime comme c'est évoqué dans le hadith de Abu Huraira, le hadith al-Qudsi, qala wa la yazalu al-'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'au point où je vais l'aimer, et si je l'aime, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Je serai son ouïe par laquelle il entend, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, je serai sa vue par laquelle il voit, wa yadahu allati yabtashu biha, la main par laquelle il entreprend et touche, wa rijluhu allati yamshi biha, je serai son pied par lequel il marche. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va mettre de la lumière dans ces membres-là, et il va lui donner le tawfiq wa sadad. C'est-à-dire ces membres-là ne seront assujettis que dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa al-khushu' li hadhihi al-a'dha, de ces membres-là, ça passe par le fait de faire les causes pour qu'Allah Azza wa Jalla nous aime. Car s'il nous aime, il va nous donner le tawfiq, al-sadad, il va nous mettre la lumière dans ces membres-là, afin qu'ils soient assujettis dans l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Le troisième hadith, qu'a rahimahallahu ta'ala, قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تمام. إذا سأل الحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. Le prophète عليه الصلاة والسلام avait pour habitude de multiplier ce ذكر qui va venir dans ses ركوع et ses سجود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Donc il a glorifié Allah عز وجل et ensuite il a demandé. Il n'y a pas de mal à demander dans le ruku'. Lakin, il faut au moins faire un ta'zim, ce qui est le cas ici. Subhanak Allahumma Rabbana. Comme on a pu voir le tasbih, le fait de démentir les choses qui ont été imputées injustement à Allah Azza wa Jal parmi les choses qui sont des naqa'is, parmi les choses qui sont des imperfections et des défauts. Comme on a pu les évoquer, certains, au début du cours. Wa bihamdik, qu'a le Cheikh Al-Uthaymin, le bas qui est rentré dans hamd, c'est al-musahaba, c'est-à-dire c'est un tasbih qui est accompagné d'Hamd. Donc ça nous montre ce qu'on dit les ulama, que le tasbih c'est une négation lakin qui est accompagnée d'une affirmation. Ça c'est le kamal. Amma, une négation seule, c'est pas une perfection. Au contraire, c'est un néant. Et le néant, c'est rien du tout. Comme on a pu voir à travers l'exemple, si jamais tu dis à quelqu'un, t'es pas grand, t'es pas gros, t'es pas petit, t'es pas pauvre, t'es pas laid, t'es pas ceci, cela, il va dire, t'es pas en train de lui faire une éloge, là. T'es pas en train de faire une éloge, il va même croire que t'es en train de rigoler sur lui, de plaisanter sur lui. Amma, si tu dis, na'am, t'es pas faible parce que t'es fort, t'es pas injuste parce que tu es juste. Enfin, ça, il y a un ta'zim dedans. Enfin, al-tasbih, il faut qu'il soit accompagné du hamd. On fait le tasbih pour Allah et Azza wa Jal contre le fait de ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avare. Yadullah et mahloula. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le karim. Ça, c'est le ta'zim. Subhana rabbana, Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik. Donc un tasbih qui est accompagné d'une louange. Tam. Qala Allahumma khalli. Comme on a pu voir, c'est demander que la protection contre le mal des péchés, qui sont le fait d'être dévoilé dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ou bien le fait d'être châtié dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ça c'est al-istighfar. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Aïcha, kana yata'awwal al-Qur'an. Et le hadith est muttafaqan alayhi. C'est-à-dire que dans ce dhikr et cette dua-là qu'il a fait, il était en train d'interpréter le Coran. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, à travers surat al-Nasr, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Lorsqu'il a vu ce signe-là, que les gens sont rentrés, ça c'est après, yani, Fath Mecca, que les gens sont rentrés dans l'islam, tamam, afwaja, c'est-à-dire, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam, Allah lui a montré un signe qui indique qu'il est proche de sa fin, que le prophète va bientôt mourir. Dans le hadith, il est venu, il a dit que Allah m'a mis un signe me montrant le début de ma fin, et j'ai vu ce signe-là, il à travers la sourate Al-Nasr. Et il a dit, lorsqu'il a vu, il multipliait cette ayah-là, ce qui a été demandé dans cette ayah-là. Donc c'est ce qu'il a fait, subhanakallahumma rabbana, bihamdika, wastaghfir. إنه كان توابا فقالت عائشة كان يتأول القرآن à travers ce dhikr et ce dua-là, il a interprété ce qu'Allah a ajouté, il a interprété ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Non. Il manque trois hadiths, inshallah on en a fait trois, la moitié du parcours, et le reste inshallah on le fera dans une prochaine assise si Allah azawajal le veut. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.